الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la lecture et l'explication du livre intitulé Adab al-Mashi ila al-Salah, qui est l'œuvre de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Comme nous l'avons vu dans ce livre, il a exposé les règles essentielles de la prière, de la zakat et du jeûne. Et nous avons commencé dans le cours dernier le chapitre sur la description de la prière. Et nous nous sommes arrêtés à la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, dans laquelle il nous a décrit la manière correcte de lever les mains lorsqu'on prononce le takbir, Allahu Akbar, pour entrer en prière. Et avant de commencer la suite de la lecture, j'aimerais attirer votre attention sur une erreur commise par nombre de prières et qui consiste à marquer un temps d'arrêt lorsqu'ils lèvent leurs mains pour le takbir. On a décrit la semaine dernière la manière de lever les mains. Et lorsque tu lèves les mains, tu n'as pas de temps d'arrêt à marquer, ni lorsqu'elles sont en hauteur, ni lorsque tu les baisses. Et de la même manière, il ne t'est pas demandé de lever tes mains à hauteur des épaules, puis de les faire descendre le long de ton corps, ou les balancer le long du corps comme certaines personnes le font. Tout ceci est contraire à la manière correcte de lever les mains lorsque tu prononces le takbir. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a expliqué où il est légiféré de poser les mains après les avoir levées lors du takbir. Et il a dit « ثُمَّ يَقْبِضُ قوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته ومعناه ظل بين يدي ربه. Ensuite, il empoigne son poignet gauche avec sa main droite. Et l'auteur nous dit, il les place sous son nombril. Et on va voir que ceci est un des avis parmi les avis des gens de science. Et le sens de cela, de cette position, est que celle-ci symbolise et démontre l'avilissement du serviteur devant son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc la sunna pour le prieur est de poser sa main droite sur sa main gauche, et non pas de laisser ses bras le long du corps. Et ce car, on trouve dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, d'après Sahal ibn Sa'd, radiyallahu anhu, qui a dit: on ordonnait aux gens que l'homme pose sa main droite sur son avant-bras gauche lors de la prière. Et la parole du compagnon « on ordonnait aux gens » nous indique qu'il a appris cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, il est rapporté dans un autre hadith, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qu'il priait et qu'il a mis sa main gauche sur sa main droite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le vit alors et il mit sa main droite sur sa main gauche, c'est-à-dire il changea la position de ses mains. Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah, a rapporté dans le commentaire de Sahih al-Bukhari une parole de Ibn Abdil Barr, qui est un grand savant de l'école malikite, qui a dit « Il n'est pas venu de choses contraires à cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam ». C'est-à-dire qu'il n'est rien rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam démontrant une autre manière de mettre ses mains en prière, comme ceux qui, lors de la récitation, laissent leurs bras le long du corps. Ensuite, il dit, rahimahullah, « Et ceci est la parole de la majorité des sahaba, des compagnons, ainsi que des tabi'in, les disciples des compagnons, radiyallahu anhum. » Puis il dit, « Et c'est ce qu'a mentionné Malik, rahimahullah, dans Al-Muwatta. Et Ibn al-Mundir et autres que lui n'ont pas rapporté de Malik autre que cela. Et Ibn al-Qasim a rapporté de Malik al-Irsal, le fait de laisser les bras le long du corps. Et la majorité de ceux qui ont suivi Malik, rahimahullah, ont adopté cet avis. Et on rapporte de lui aussi la distinction entre la prière obligatoire et la prière surérogatoire. » Fin de citation de la parole d'Ibn Abdil Barr, mentionnée par Al-Hafiz Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. Donc en résumé, ce qui est juste et ce qui est conforme à la sunna et ce qui est l'avis de la majorité des compagnons radiyallahu anhum et de la majorité des savants, c'est qu'après avoir levé tes mains pour le takbir, tu places ta main droite sur ta main gauche. C'est-à-dire que la paume de ta main droite va être en même temps sur ta main gauche, ton poignet gauche et ton avant-bras gauche. Et il est rapporté aussi que l'on empoigne le poignet gauche, avec sa main droite. Et où doit-on poser ses mains? L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné qu'on les pose sous le nombril. Et ceci est l'avis connu du madhhab de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Et dans une autre version, rapportée de l'imam Ahmad, rahimahullah, il a mentionné que les mains sont posées sur la poitrine. Et dans une autre version, il a mentionné que la personne avait le choix entre ceci et cela. Il y a un groupe de gens de science, et plus particulièrement la majorité des gens du hadith, ont soutenu que les mains devaient être placées sur la poitrine. Et ce car c'est cela qui est rapporté dans le hadith authentique de Wa'il ibn Hujr, radiyallahu anhu. Il a précisé que la main droite est posée sur la main gauche et que celles-ci sont posées sur la poitrine. Donc c'est cela qui est conforme à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quant au fait de poser les mains sous le nombril, cela est rapporté dans un hadith dans As-Sunan de Abu Dawud, rahimahullah ta'ala. Dans un hadith rapporté par Ali, radiyallahu anhu, et le shaykh Abdel Muhsin al-Abbad, hafidahullah ta'ala, nous dit dans ce commentaire que la chaîne de transmission de ce hadith est une chaîne de transmission faible. Donc à partir de là, on comprend que celui-ci ne peut servir d'argument. Quoi qu'il en soit, il est à souligner que le fait de poser la main droite sur la main gauche et de poser ses mains sur la poitrine, cela fait partie des choses recommandées en prière et qui ne font pas partie des obligations ni des piliers. C'est-à-dire que si quelqu'un ne le fait pas, alors ceci n'a pas d'incidence sur la validité de sa prière. Sa prière est valide, inshallah ta'ala. Mais la différence entre ce dernier et celui qui veillera à placer ses mains comme cela est rapporté dans la sunna authentique est une différence en degré en termes de récompense. Car plus tu t'appliqueras à veiller à la mise en pratique de tout ce qui est rapporté dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant ses paroles et ses actes en prière, plus la récompense de ta prière sera grande, inshallah ta'ala. Et le fait de poser sa main droite sur sa main gauche et de les placer sur sa poitrine est légiféré pour les hommes comme pour les femmes. Et la base est qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes concernant la description de la prière, sauf si une preuve nous indique qu'une chose est particulièrement légiférée pour les uns en dehors des autres. Et en absence de preuve, la base est que ce qui est légiféré pour les hommes est légiféré de la même manière pour les femmes. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné la sagesse de cette position. Et que le fait que tu poses ta main droite sur ta main gauche, en les plaçant sur ta poitrine, tu seras dans une position te menant à l'avilissement et à l'humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une position humble du serviteur devant son Seigneur. Et c'est pour cela que cette position n'est légiférée que dans la prière. Et qu'il n'est pas permis d'adopter cette position en dehors de la prière. Et il n'est pas permis d'adopter cette position devant qui que ce soit parmi les gens. Que ce soit parmi les vivants ou parmi les morts devant les tombes ou les mausolées. Car cette position est une position spécifique à la prière. Et de la même manière, les gens de science ont dit qu'il est blâmable pour le prieur d'adopter cette position avant le commencement de la prière, comme le font certaines personnes au moment de l'iqama, lorsqu'ils attendent que l'imam commence la prière. Ils mettent déjà leurs mains sur leur poitrine. Et ceci est une erreur, car cette position est spécifique à la prière. Et concernant la sagesse de cette position, Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, a mentionné que les savants ont dit « La sagesse qu'il y a dans cette position et que c'est une tenue d'un demandeur avili, c'est-à-dire que tu fais preuve d'humilité et de recueillement devant ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Puis il dit, rahimahullah, que ceci est plus à même de te prévenir de toute chose futile, c'est-à-dire durant la prière. Et cela est plus proche du recueillement. En effet, celui qui se tient de cette manière, cela va lui éviter de balancer ses bras ou de chercher à mettre ses mains sur sa barbe ou sur son nez ou sur ses oreilles ou je ne sais où. Mais il va veiller à bien tenir ses mains de cette manière durant la station debout en prière. Ainsi, il va éviter les gestes futiles. Et de la même manière, ceci va l'aider à se recueillir en prière. Donc vous voyez que toutes les positions, toutes les paroles qui sont légiférées en prière nous aident à atteindre cet objectif immense qui est l'essence même de la prière, qui est le recueillement. Et entre dans cela cette position. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَيُسْتَحَبُّ نَظَرُهُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ فِي كُلِّ حَالَاتِ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي التَّشَهُدِ فَيَنْظُرْ إِلَى سَبَّابَتِهِ » Et il est recommandé qu'il regarde en direction de l'endroit de sa prosternation, dans toutes les positions de la prière, à l'exception du tashahud, durant lequel il regardera son index. Donc lorsque tu es en prière, il est légiféré pour toi de regarder l'endroit de ta prosternation, que ce soit durant la station debout, durant les positions assises, durant l'inclination ou autre, à l'exception du tashahud, durant lequel tu regarderas ton index. Et il est confirmé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a interdit de regarder sur les côtés durant la prière et de se tourner. Et également, il a interdit de lever les yeux vers le ciel. Donc, il ne reste plus pour le prieur que le regard vers l'avant et vers l'endroit de sa prosternation. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré dans la Kaaba, dans laquelle il a accompli deux unités de prière, et que son regard n'a pas quitté l'endroit de sa prosternation jusqu'à ce qu'il sorte de la Kaaba. Et il est confirmé dans un hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i rahimahullah, d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qu'il a un jour vu un homme faisant bouger des cailloux avec sa main alors qu'il était en prière. Lorsqu'il termina, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma lui dit « Ne fais pas bouger des cailloux alors que tu pries, car ceci provient du diable. Mais fais comme faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » L'homme lui dit alors « Et comment faisait-il ?» Alors Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma posa sa main droite sur sa cuisse droite et pointa son index en direction de la Qibla, en posant son regard en direction de son index. Puis il dit, c'est ainsi que j'ai vu faire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est rapporté aussi de Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhuma, qui a dit, décrivant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que son regard ne dépassait pas son index. Et cela également va aider le prieur au recueillement. Ce recueillement qui, comme on a dit, est l'essence même de la prière. Celui qui veille durant sa prière à laisser ses yeux en direction de l'endroit où il se prosterne, puis durant le tashahud en direction de son index, il ne sera pas perturbé dans sa prière, ni distrait par ce qui se passe autour de lui. Contrairement à celui qui laisse aller ses yeux à droite et à gauche, qui regarde ce qui se passe autour de lui, dans la mosquée ou autre, alors celui-ci va être perturbé car il va être distrait par les allées et venues des gens. Et ceci va nuire à son recueillement en prière. Plus tu vas voir de choses, plus ton regard va se disperser. Alors que le fait de fixer ton regard sur un seul point, cela va te préserver bi'inillahi ta'ala de toute distraction et de la dispersion de tes pensées. Tu pourras ainsi mieux te recueillir et mieux te concentrer sur ce que tu fais et ce que tu dis durant cette prière. Ensuite l'auteur, rahimahullah, après nous avoir décrit le takbir, la façon de lever les mains, puis l'endroit et la manière de poser les mains après cela, et ce que nous devons regarder. Il nous dit « ثُمَّ يَسْتَفْتِحُ سِرًّا » Ensuite, il ouvre sa prière à voix basse, c'est-à-dire en prononçant l'invocation d'ouverture légiférée. « فَيَقُولْ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ » L'invocation connue et rapportée à ce sujet. Cette invocation, elle se prononce après takbiratil ihram, après le takbir de sacralisation, et avant la récitation. Et elle fait partie des sunan, des choses recommandées durant la prière. La preuve nous démontrant que cette invocation est recommandée et n'est pas obligatoire, et qu'il est légiféré de la prononcer à voix basse, et le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui a dit: lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prononçait le takbir en prière, il gardait le silence un instant avant de réciter. Je lui ai alors dit: ô messager d'Allah, qu'en est-il de ton silence entre le takbir et la récitation? Que dis-tu? Donc on voit à travers cela deux choses. La première est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait cette invocation à voix basse, car Abu Huraira l'interroge pour savoir ce qu'il disait. Et on voit également que cette invocation n'est pas obligatoire, sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait enseigné au préalable à ses compagnons radiyallahu anhum. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné une des invocations d'ouverture légiférées qui commence par Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayai kama ba'adta bayna al-mashriq wal-maghrib, jusqu'à la fin de l'invocation. Et vous la retrouverez dans le livre Husnul Muslim, la citadelle du musulman, et également dans le célèbre livre de l'imam al-Albani rahimahullah, intitulé La description de la prière du premier takbir jusqu'aux salutations finales, comme si tu la voyais. Donc cette invocation, elle est recommandée. Et il y a plusieurs invocations qui sont rapportées. Il y a celle que l'auteur a mentionnée et que l'on va lire et expliquer, celle qui est rapportée dans les deux recueils authentiques d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, et d'autres invocations d'ouverture que vous pouvez trouver, notamment dans le livre de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Et ce qui est légiféré pour le prieur est de prononcer l'une de ces invocations dans sa prière, quelle qu'elle soit. Et il n'est pas légiféré de réunir entre ces invocations, mais tu en prononces une seule. Et si tu en connais plusieurs, tu veilles à alterner durant tes différentes prières, en récitant parfois une invocation et parfois l'autre, et ainsi de suite. Et en faisant cela, premièrement, ceci te permettra de ne pas oublier ces invocations, car tu les réciteras fréquemment, incha'Allah ta'ala. Et combien sont ceux à apprendre une chose puis à l'oublier, car ils ne la mettent pas en pratique. Donc la mise en pratique fait partie des meilleurs moyens pour mémoriser la science. Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs, car beaucoup de personnes oublient la science car ils ne veillent pas à sa mise en pratique. Et lorsque tu ne mets pas en pratique une chose, tu l'oublies. Tandis que celui qui veille à sa mise en pratique, et ce constamment, alors il va sans cesse réviser cette science en réalité. Et également, en mettant en pratique cela, il va faire vivre et préserver la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ces différentes invocations. Et également, parmi les bénéfices immenses qu'il y a dans le fait d'alterner entre ces différentes invocations, il y a l'aide au recueillement en prière. Car celui qui récite toujours la même chose, il en vient à réciter cela machinalement, sans réfléchir. Il est habitué, il rentre en prière, Allahu Akbar, Subhanakallahumma wa bihamdik, etc. Il ne réfléchit pas à ce qu'il dit. Il fait cela machinalement. Alors celui qui a conscience qu'il peut ouvrir sa prière de différentes manières, il va prononcer le takbir et dire Allahu Akbar. Pendant qu'il prononce le takbir, il va lever ses mains des différentes manières que l'on a vues dans le cours précédent, et ceci également l'aide au recueillement. Et ensuite, il va choisir une des invocations rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qu'il a enseigné à ses compagnons radiyallahu anhum. Et ainsi éviter de tomber dans ce piège de réciter ces invocations machinalement. Donc vous voyez tous les bénéfices qu'il y a dans la mise en pratique de cette sunna et l'apprentissage de ces invocations, qui bien qu'elles ne soient que recommandées, ont un mérite immense et comme on l'a dit tout à l'heure, elles te permettent d'augmenter en termes de récompense dans ta prière. Car plus tu vas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus la récompense de ta prière sera grande, incha'Allah ta'ala. Donc l'auteur, rahimahullah, il a mentionné une invocation composée de quatre phrases et qui est rapportée de plusieurs compagnons, et notamment Omar, Aïcha et Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhum. Et cette invocation, elle consiste à dire Subhanak Allahumma wa bihamdik, wa tabarak asmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Et l'auteur, rahimahullah, il nous a expliqué le sens de cette invocation. Et ça, ça fait partie des choses par lesquelles se distinguent les livres de cet imam, rahimahullah. C'est qu'il ne t'enseigne pas seulement les choses à faire et les choses à dire. Mais comme vous l'avez vu, il t'explique un acte et il t'en donne la sagesse, afin que tu comprennes ce que tu fais dans ta prière. Également, il te mentionne qu'il est légiféré de prononcer certains termes, prononcer certaines formules de rappel. Il t'en explique l'essence, afin que tu comprennes ce que tu dis. Car celui qui prononce ses paroles sans les comprendre, il ne va pas réellement en tirer profit. Il va réciter des sons les uns après les autres, sans les comprendre, sans savoir ce qu'ils signifient, et ceci ne lui sera que peu profitable. Contrairement à celui qui comprend le sens de ses paroles et les médite, il va en tirer profit, incha'Allah ta'ala, et ceci va une fois de plus l'aider à se recueillir comme il se doit durant sa prière. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَمَعْنَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَيْ أُنَزِّهُكَ التَّنْزِي اللَّائِقْ بِجَلَالِكَ يَا اللَّهُ » Donc « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ » cela veut dire « Ô Allah ». Je te purifie de tout ce qui ne convient pas à ta majesté. C'est-à-dire que tu purifies Allah subhanahu wa ta'ala de tout défaut, de toute imperfection. Car Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de cela. Et c'est ça le sens du tasbih, lorsque tu dis subhanallah. Pureté à Allah, Allah est purifié. Il est exempt de tout défaut et de toute imperfection. Donc, ô Allah, je te purifie de tout ce qui ne convient pas à ta majesté. سبحانك اللهم وبحمدك. L'auteur nous dit وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد. Donc lorsque tu dis بحمدك et par ta louange, que l'on pourrait traduire également pureté à toi ô Allah et louange à toi, il a été dit que le sens de cela est que tu réunis entre le tasbih, le fait de proclamer la pureté d'Allah, et الحمد, la louange. Et le fait de réunir entre at-tasbih et at-tahmid, le fait de proclamer la pureté d'Allah et le fait de proclamer ses louanges, cela te permet de réunir entre la négation et l'affirmation. C'est-à-dire la négation de tout ce qui ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala, comme défaut et comme imperfection. Tu nies cela en disant subhanak. Puis ensuite, tu affirmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala se caractérise par toute perfection qui lui convient. Et ce en disant « wa bihamdik ». Ensuite, tu dis dans cette invocation « wa tabarak asmuk » que l'on trouve parfois traduit par « béni soit ton nom », c'est-à-dire « glorifié soit ton nom ». Et l'auteur, rahimahallahu ta'ala, nous dit que le sens de cette parole est « al-baraka tunalu bidhikrik », c'est-à-dire que la bénédiction est obtenue par ton rappel, par la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu obtiens al-baraka, la bénédiction. Et la bénédiction, c'est quoi? C'est le bien en abondance et son augmentation. Donc en mentionnant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu obtiens la bénédiction. Et il y a de nombreux bienfaits dans la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi cela, il y a le fait que la mention de son nom apaise les cœurs. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala, ala bi dhikrillahi, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent, se tranquillisent? Également en te rappelant d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah t'évoque. Fathkuruni, athkurkum. Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Je vous évoquerai. Et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est ce qui fait la différence entre le mort et le vivant, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'exemple de celui qui évoque son Seigneur, qui se rappelle de son Seigneur, et celui qui ne se rappelle pas de son Seigneur est semblable à celui du vivant et du mort. Plus tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu te rapproches de la vraie vie, la vie des cœurs, et tu concrétises l'objectif de ta présence sur terre. Donc, lorsque tu dis « wa tabaraka smuk », tu dois comprendre par cela que la baraka, le bien, en abondance est obtenue par la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite tu dis وتعالى جدك. لوتور رحمه الله تعالى nous dit أي جلت عظمتك. Donc تعالى جدك, on pourrait le traduire que ta gloire soit élevée, que ta majesté soit élevée. Et l'auteur nous l'explique en disant, c'est-à-dire que ton immensité soit exaltée. Et ces trois paroles que tu dis au début de cette invocation, Subhanak et Tabarak et Ta'ala, ce sont des mots qui ne sont employés qu'au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas possible de dire Subhanak en s'adressant à autre qu'Allah. Ni Tabarakt, ni Ta'alayt. Ceci est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, cette invocation termine par la parole « Wa la ilaha ghayruk ». Il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire il n'y a pas de vrai Dieu, si ce n'est toi. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « Ay, la ma'bouda fil ard, wa la fis sama bihaq, siwa ka ya Allah ». C'est-à-dire il n'y a pas d'être adoré sur terre et dans les cieux de droit si ce n'est toi, ô Allah. C'est-à-dire tout ce qui peut être adoré sur terre ou dans les cieux est adoré injustement. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être adoré. Donc on retrouve ici le sens de la parole du Tawhid, la ilaha illallah, par laquelle tu renies l'adoration de tout autre qu'Allah et tu affirmes que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit « Wayajuz al-istiftahu bi kulli ma warad » et il est permis d'ouvrir sa prière, de prononcer à titre d'invocation d'ouverture tout ce qui est rapporté. On a vu notamment une autre invocation rapportée par Abu Huraira radiallahu anhu. Et il y a d'autres invocations, comme je vous l'ai mentionné, que vous retrouverez dans le livre de l'imam al-Albani rahimahullah sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala a dit ثم يتعوذ سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيفما تعوذ من الوارد فحسن. Ensuite, il prononce la demande de protection, la recherche de refuge, et il prononce cela à voix basse en disant أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Et quelle que soit sa manière de demander protection parmi ce qui est rapporté, alors ceci est une bonne chose. Donc le prieur, avant de commencer à réciter le Coran, il cherche protection et refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné dans son noble livre. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Et lorsque tu lis le Coran, c'est-à-dire lorsque tu veux lire le Coran, lorsque tu veux le réciter, alors cherche protection, cherche refuge auprès d'Allah contre le diable lapidé. Al-Hafiz ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a mentionné dans le tafsir de ce verset que cet ordre indique la recommandation et non l'obligation. Puis il nous dit que Abu Ja'far ibn Jarir, c'est-à-dire At-Tabari, rahimahullah ta'ala, et autres que lui parmi les imams, ont rapporté l'unanimité à ce sujet. C'est-à-dire l'unanimité concernant le fait que al-isti'adha, le fait de chercher protection, chercher refuge auprès d'Allah, lorsque tu veux réciter, lorsque tu veux lire le Coran, est une chose recommandée et non obligatoire. C'est-à-dire que si la personne ne le fait pas, elle n'a pas de péché. Mais est-ce que cela veut dire pour autant qu'on va la délaisser? Non. Car le musulman veille à se soumettre à l'ensemble des ordres d'Allah, même si ceci n'indique que la recommandation. Et plus tu veilles à cela, plus tu augmentes en termes de récompense, Inch'Allah ta'ala. Et l'auteur nous précise qu'il est permis de chercher protection, chercher refuge par une manière quelconque parmi celles rapportées. Donc soit tu prononces simplement ce qui est ordonné dans le verset en disant « A'udhu billahi minash shaitani rajim ». Soit tu prononces cela d'une manière plus complète, qui est rapportée dans la sunna, et qui consiste à dire « A'udhu billah as-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Je cherche protection auprès d'Allah, as-sami' al-alim, celui qui entend tout et celui qui sait parfaitement toute chose, contre le diable lapidé, contre son obsession, c'est-à-dire ses suggestions répétées, sa vanité et son souffle. Donc ceci est une des manières rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant al-isti'adha, la manière de demander et de chercher protection avant de commencer la récitation du Qur'an, que ce soit durant la prière ou en dehors de la prière. Et durant la prière, cela est recommandé à voix basse. Donc tu dis Allahu Akbar, tu prononces l'invocation d'ouverture, ensuite al-isti'adha, la demande de protection. Ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit ثُمَّ يُبَسْمِلُ سِرَّا. Ensuite, il prononce la basmala à voix basse. Il est donc légiféré, avant de réciter Al-Fatiha, de commencer par la basmala, qui consiste à dire Bismillahirrahmanirrahim. Et cette parole, elle est prononcée à voix basse. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui a dit « J'ai prié avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'avec Abu Bakr, Omar et Uthman, radiyallahu anhum, et je n'ai entendu aucun d'entre eux réciter « Bismillahirrahmanirrahim ». Cela signifie qu'il récitait cette parole à voix basse et non à voix haute. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit وليست من الفاتحة ولا غيرها. Et la basmala, la parole Bismillahirrahmanirrahim, elle ne fait pas partie de la Fatiha ni d'une autre surah. بل هي آية من القرآن قبلها. Mais c'est un verset du Coran qui est avant la Fatiha. وبين كل سورتين سوى براءة والأنفال. Et elle se trouve également entre chaque sourate. C'est-à-dire qu'elle fait la distinction entre les sourates, à l'exception de Sourate Al-Anfal et Sourate At-Tawbah. C'est-à-dire que Sourate At-Tawbah ne commence pas par Bismillahirrahmanirrahim. Il n'y a donc pas la basmala pour séparer entre ces deux sourates. Donc les gens de science sont unanimes pour dire que la basmala est un verset du Coran. Mais est-ce qu'elle est un verset de chaque sourate faisant partie intégrante de la sourate? Ou alors est-ce que c'est un verset indépendant qui fait la distinction entre les sourates? Et est-ce que la basmala est un verset de la Fatiha ou non? On trouve différents avis à ce sujet chez les gens de science. Tout d'abord, il est bien important de souligner que c'est un verset du Coran. Elle fait partie du Coran. Et la preuve à ce sujet est que les compagnons, radiyallahu anhum, l'ont inscrite dans le mushaf. Et ils n'ont rien écrit dans le mushaf si ce n'est ce qui fait partie du Coran. Également, il est rapporté dans un hadith authentique, d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne connaissait pas la séparation entre les sourates jusqu'à ce que descende sur lui Bismillahirrahmanirrahim. Donc on voit que ce verset nous permet de distinguer entre les sourates. Et les gens de science également, ils ne divergent pas concernant le fait que la basmala est un verset faisant partie de Sourate An-Naml. Dans Sourate An-Naml, on trouve Bismillahirrahmanirrahim, dans le récit de Suleyman, alayhi salam, et la reine de Saba. Et Sourate Al-Fatiha, les gens de science sont unanimes pour dire qu'elle est composée de 7 versets. Toutefois, ils ont divergé concernant le dénombrement de ces versets. Ceux qui ont considéré que la basmala faisait partie intégrante de la Fatiha, ils ont dit que Bismillahirrahmanirrahim est le premier verset, comme vous le retrouvez dans le Mus'haf que vous avez entre vos mains, où Bismillahirrahmanirrahim est mentionné comme étant le premier verset de Sourate Al-Fatiha. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et ce parmi les savants qui ont soutenu qu'elle ne fait pas partie de la Fatiha, que c'est un verset indépendant. Alors ils ont dit que le premier verset est Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et que le septième verset est Ghayril Maghdoubi Alayhim Waladdallin. Donc dans le Mus'haf, vous avez le verset 7, qui commence par « Sirat alladhina an'amta alayhim ». Cette partie-là, ceux qui ont dit que la basmala ne fait pas partie de la Fatiha, ils ont dit que c'est le sixième verset. Et le septième, c'est « Ghayril maghdoubi alayhim waladdallin ». Et parmi les preuves les plus explicites à ce sujet, il y a le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu. Et c'est un hadith Qudsi, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a divisé la prière entre lui et son serviteur en deux parties. Puis il commence en disant lorsque le serviteur dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » le premier verset. Il n'a donc pas mentionné la basmala. Et ceci est un des arguments les plus probants à ce sujet. Quoi qu'il en soit, avant de réciter la Fatiha, en prière ou en dehors de la prière, tu récites Bismillahirrahmanirrahim. Et lorsque tu es en prière, même si la prière est une prière à voix haute, tu récites cela à voix basse, après avoir dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ensuite, il dit rahimahullah, wa tusannu kitabatuha awail al-kutub kama katabaha Sulayman alayhi salam. Il dit il est recommandé de l'écrire, c'est-à-dire la basmala, au début des livres, au début des écrits, comme l'a écrit Sulayman alayhi salam. Comme cela est mentionné dans Surat An-Naml, lorsqu'il a écrit à la reine de Saba. Il était écrit dans la lettre de Sulayman alayhi salam, innahu min Sulayman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Il a donc commencé sa lettre par la basmala. Et l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit wa kama kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaf'al, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. En effet, lorsqu'il ordonnait d'écrire une lettre, comme lorsqu'il envoyait des lettres au roi pour les appeler à l'islam, il ordonnait qu'il soit écrit au début de cette lettre bismillahirrahmanirrahim, la basmala. Donc ceci fait partie des choses qui sont recommandées. C'est pour cela que les savants généralement commencent leur livre de cette manière. Ensuite, il dit « وَتُذْكَرُ فِي ابْتِدَاءِ جَمِيعِ الْأَفْعَالِ » et elle est mentionnée au commencement de l'ensemble des actes. C'est-à-dire que tu mentionnes le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala avant d'agir, en disant « Bismillah », comme avant de boire, avant de manger, en entrant, en sortant, et ainsi de suite. Il est légiféré de dire « Bismillah ». Tu mentionnes le nom d'Allah. Et ceci est légiféré avant la lecture, avant l'écriture et l'ensemble de tes agissements. Et en faisant cela, tu recherches la bénédiction par la mention du nom d'Allah et également tu implores l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que tu entreprends. Car le « bad » en « bismillah » il signifie « astaïnu billah »« bijami'i asma'ihi » j'implore l'aide d'Allah par l'ensemble de ses noms. C'est ça le sens de « bismillah ». Donc cela est légiféré dans l'ensemble de tes actions. Et il nous dit « wahiya tatrudu ash-shaytan » et elle expulse le diable, elle le rejette. Comme cela est venu dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim rahimahullah, d'après Jabir radiyallahu anhu, qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à dire « Lorsque l'homme entre chez lui et qu'il mentionne le nom d'Allah en entrant et en mangeant, le diable dit alors « Il n'y a pour vous ni refuge » ni dîner. Et lorsqu'il entre chez lui et ne mentionne pas le nom d'Allah en entrant, le diable dit alors, c'est-à-dire à ses troupes, vous avez trouvé un refuge. Et s'il ne mentionne pas le nom d'Allah lorsqu'il mange, le diable dit alors à ses troupes, vous avez trouvé un refuge et un dîner. Donc on voit qu'il est légiféré de mentionner le nom d'Allah lorsque tu entres chez toi et avant de manger. Et ceci est d'une grande importance, il ne faut pas le négliger. Car si tu ne fais pas cela, le diable et ses troupes entre avec toi dans ta demeure. Et il partage avec toi ton repas, wal'iyadu billah. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, « Qala Ahmad, la tuktabu amam al-shi'r, wala ma'ahu. » Il nous mentionne une parole de l'imam Ahmad, rahimahullah, qui a dit que la basmala n'est pas écrite avant une poésie, avant un poème, ni avec lui. Et l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, a mentionné cela, car généralement, les poésies contiennent certaines paroles mauvaises, voire même grossières, wal'iyadu billah. Mais si cette poésie est une poésie liée à la science, liée à l'appel à Allah, liée au commandement du bien, à l'interdiction du mal ou autre que cela, comme les poésies qui sont écrites pour nous aider à mémoriser la science, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne à écrire la basmala avant cette poésie ou durant celle-ci, wallahu a'lam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة. Ensuite, il lit la Fatiha après avoir dit بسم الله الرحمن الرحيم. Il la lit dans l'ordre, c'est-à-dire en respectant l'ordre des versets. Tu ne peux pas la lire en mélangeant les versets, mais tu dois impérativement lire ces versets dans l'ordre. De manière consécutive, c'est-à-dire que tu lis les versets les uns après les autres sans qu'il y ait de longues séparations injustifiées entre la récitation d'un verset après l'autre, et mushaddadatan, c'est-à-dire en prononçant bien les lettres doublées, les lettres où il y a une shadda. Donc c'est de cette manière qu'il convient de réciter Al-Fatiha. Et il convient de la réciter lentement et clairement afin de se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا et récite le Coran lentement et clairement. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit وَهِيَ رُكْنٌ فِي كُلِّ رَكَعَ et c'est un pilier dans chaque unité de prière. C'est-à-dire que la récitation de la Fatiha est un pilier et qu'il n'est pas permis de délaisser sa récitation, et ce, dans chaque unité de prière. Aussi bien concernant l'imam que concernant celui qui prie seul. Et concernant celui qui prie derrière l'imam, alors les savants ont divergé. Et ce qui est juste à ce sujet parmi les avis des gens de science est qu'elle doit également être récitée par celui qui prie derrière l'imam, que ce soit durant les prières à voix basse ou durant les prières à voix haute. Et parmi les preuves à ce sujet, il y a ce qu'a mentionné l'auteur rahimahullah ta'ala, car il a dit « Kama fil hadith, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. » Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas, qui ne récite pas l'ouverture du livre, c'est-à-dire surat al-fatiha. Qu'est-ce que cela signifie, il n'y a pas de prière? C'est-à-dire, il n'y a pas de prière valide pour lui, s'il ne récite pas surat al-fatiha. Donc cette sourate doit impérativement être récitée dans chaque unité de prière. Et celui qui ne la récite pas, alors sa prière n'est pas valide. Ensuite il dit, rahimahullah, وَتُسَمَّ أُمُّ الْقُرْآنِ et elle est appelée أُمُّ الْقُرْآنِ, la mère du Coran. Elle est aussi appelée أُمُّ الْكِتَابِ. Et ceci est venu dans de nombreux hadiths rapportés par les imams al-Bukhari et Muslim, رحمهم الله تعالى. Et cette sourate, elle a été appelée ainsi, la mère du Coran, car elle comprend l'exposé de nombreux fondements immenses de notre religion. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « لِيَنَّ فِيهَا الْإِلَهِيَّاتِ وَالْمَعَادِ وَالنُّبُوَاتِ وَإِذْبَاتِ الْقَدَرِ » Et ce car elle contient ce qui est lié à la divinisation, la résurrection, les prophéties et l'affirmation du destin. Et ensuite, il nous explique cela, il dit « فَالْآيَتَانِ » Al-Ulayan, Yadullan ala al-Ilahiyat. Les deux premiers versets nous indiquent ce qui est lié à la divinisation, c'est-à-dire ce qui est lié au Tawhid. En effet, Surat al-Fatiha comprend l'exposé des trois formes de Tawhid, l'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans l'adoration et l'unicité dans les noms et les attributs. Lorsque tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ceci indique l'unicité dans l'adoration. Pourquoi? Car tu loues Allah subhanahu wa ta'ala qui se caractérise par les attributs divins, nous démontrant qu'il est le seul endroit d'être adoré. Tu lui voues donc un culte exclusif. Et il y a en cela également l'exposé de l'unicité dans la seigneurie, car tu affirmes qu'il est seigneur de l'univers. Rabbil alamin. Et également ce verset, il contient l'exposé de l'unicité, tawhid, dans les noms et les attributs, car il contient deux des noms d'Allah, Allah et Ar-Rabb. Et le deuxième verset, Ar-Rahman Ar-Rahim, il contient deux des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim, qui nous indique un de ses attributs qui est l'attribut de la Rahma, la miséricorde. Ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, Maliki yaoumiddin yadullu ala al-ma'ad, maître au jour de la rétribution, nous démontre la résurrection. En effet, ce verset nous indique que on sera ressuscité et que l'on sera rétribué en fonction de nos actes. C'est-à-dire que l'on sera jugé, que l'on aura des comptes à rendre. C'est cela que t'indique ce verset. Et que ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala sera le maître absolu, comme il est le maître de ce bas monde et de l'au-delà. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. « Al-amru wal-nahi wal-tawakkul wa ikhlasu dhalika kulluhu lillah » Il nous dit que ce verset contient l'ordre, l'interdiction, le tawakkul, la confiance, et que tout ceci doit être voué exclusivement à Allah. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce verset, il contient l'affirmation que le culte doit être voué exclusivement à Allah. L'adoration d'Allah, elle est basée sur quoi? Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Comment tu adores Allah? en te soumettant à ses ordres et ses interdits. Tu accomplis ce qu'il a ordonné et tu délaisses ce qu'il a interdit. Et cette soumission, elle ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis tu dis « Wa iyyaka nasta'in » et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. Pourquoi tu implores l'aide d'Allah? Car tu t'en remets à lui, tu places ta confiance en lui. Donc ceci nous indique « At-tawakkul ». Et tout cela ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, car il est le seul en droit d'être adoré. C'est pour cela que l'on dit « Iyaka na'bud ». C'est toi seul que nous adorons, en dehors de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « Wa fiha at-tanbih ala tariq al-haqqi wa ahlihi al-muqtada bihim wa at-tanbih ala tariq al-ghayyi wa al-dhalal » Et il y a aussi dans cette sourate la mise en évidence de la voie des gens de la vérité et de ces gens qui doivent être pris pour modèle, et la mise en évidence de la voie de la divagation et de l'égarement. Et ce, dans les derniers versets de cette sourate. Guide-nous sur le droit chemin. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider sur ce droit chemin. Et quel est-il ? Sirat alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. C'est-à-dire les gens du tawhid, ceux qui ont réuni entre la science et sa mise en pratique. Ce sont eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses faveurs. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Ceux qui se sont écartés du tawhid. Les juifs, ce sont ceux qui ont encouru la colère car ils ont eu la science, mais ils ne l'ont pas mise en pratique. Et entre dans cela toute personne qui a la science et ne la met pas en pratique. Il est sujet à encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les chrétiens, ce sont les égarés visés dans ce verset, car ils œuvrent sans science, par les innovations et les choses nouvelles en religion. Et entre dans cela toute personne qui emprunte leur chemin parmi les gens de cette communauté. Ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ لِقِرَاءَتِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ » Et il est recommandé de s'arrêter à chaque verset, comme il le faisait dans sa récitation sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après son épouse Salama radiyallahu anha, qui nous dit qu'il s'arrêtait à chaque verset lors de sa récitation. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin. C'est cela qui est recommandé, de marquer un temps d'arrêt entre chaque verset, et non pas de les lire d'un seul souffle. Ensuite, il dit, rahimahullah, « وَهِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ » Et cette surah est la plus immense du Coran. « وَأَعْظَمُ آيَةٍ فِيهِ آيَةُ الْكُرْسِ » Et le verset le plus immense dans le Coran, c'est « آيَةُ الْكُرْسِ » Comme on l'a vu hier pour ceux qui suivent avec nous les cours de croyance. « وَفِيهَا إِحْدَى عَشَرَ تَجْدِيدَ » Et dans cette surah, il y a 11 lettres « مُشَدَّدَ » 11 lettres qui sont doublées. Et il est important de souligner qu'il est obligatoire de bien les prononcer. Lorsque tu dis par exemple « Lillahi », il y a une shadda qui doit être prononcée. « Rabbil alamin », il y a aussi une shadda, une lettre double et le ba. Il est important de comprendre que la shadda en arabe, c'est comme s'il y avait deux fois la lettre. Et celui qui ne prononce pas la shadda, qui ne prononce pas la lettre doublée, alors c'est comme s'il avait délaissé la lecture d'une lettre. Ensuite, il nous dit « وَيُكْرَهُ الْإِفْرَاتُ فِي التَّجْدِيدِ وَالْإِفْرَاتُ فِي الْمَدِّ » Et il est détestable d'exagérer dans les shedda et d'exagérer dans les prolongations, de sorte à en venir à rajouter des lettres. Et ceci est détestable. Ensuite, il dit « Rahimahullah فَإِذَا فَرِغَ قَالَ آمِنْ بَعْدَ سَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ » Une fois qu'il a terminé de réciter Surat al-Fatiha, il dira « Amin » après un léger silence. C'est-à-dire qu'après avoir dit « Wala dhalin », il laisse un léger silence qui correspond au temps de reprendre son souffle seulement, comme il le fait entre les versets. Puis il dit « Amin ». Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous explique la raison de ce silence et il dit « Liyu'lam annaha laysat min al-Qur'an » afin que l'on sache que cette parole ne fait pas partie du Coran, c'est-à-dire la parole Amin. Elle est légiférée après la récitation de Surat al-Fatiha, mais elle ne fait pas partie du Coran. C'est pour ça que vous ne la trouvez pas écrite dans le Coran. ومعناها اللهم استجب. Et le sens de cette parole, c'est « Oh Allah, exauce ». En effet, surat al-Fatiha, à partir du cinquième verset, c'est une invocation. « Guide-nous sur le droit chemin ». Jusqu'à la fin de la surat. C'est une demande que tu adresses à Allah. Donc après avoir adressé cette demande, tu dis « Amin ». « Oh Allah, exauce ». Ensuite, il dit, rahimahullah, « يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية ». Et cette parole est prononcée à voix haute par l'imam et ceux qui prient derrière lui ensemble dans la prière à voix haute. Il est donc légiféré pour l'imam et ceux qui prient derrière lui de prononcer Amin à voix haute après avoir récité Al-Fatiha, comme l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a dit, lorsque l'imam dit « Ghayril maghdoubi alayhim wa lallalin » dites « Amin ». Et celui qui dit « Amin » en même temps que les anges, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et dans une autre narration, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'imam dit Amin, dites Amin. Et celui dont le Amin est prononcé en même temps que celui des anges, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et ces hadiths sont des hadiths authentiques rapportés par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, et le deuxième est rapporté par al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala. Il est donc légiféré pour l'imam, comme pour ceux qui prient derrière lui, de dire « Amin ». Et vous voyez le mérite qu'il y a dans la prononciation de cette parole. Cela peut être une cause pour te faire pardonner tes péchés passés. Et ceci a lieu dans la prière à voix haute. Bien évidemment, dans la prière à voix basse, on prononcera « Amin » à voix basse. Ensuite, il dit « وَيُسْتَحَبُّ سُكُوتُ الْإِمَامِ بَعْدَهَا فِي صَلَاتٍ جَهْرِيَّةٍ لِحَدِيثِ سَمُورَةٍ » Il est recommandé, dans la prière à voix haute, de laisser un silence après elle, après cette parole, comme cela est venu dans le hadith de Samoura. Et ce silence, en réalité, il correspond simplement au temps de prendre son souffle, comme on le fait entre la récitation des versets. Il n'y a pas un long silence, comme le font certains imams, qui laissent un long silence après Amin. Ce silence-là, il n'a pas d'origine dans la sunna. Mais ce qui est légiféré seulement est de laisser un court silence, le temps de reprendre son souffle, de dire la basmala avant la sourate suivante, puis, ensuite, on continue la récitation. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَيَلْزَمُ الْجَاهِلْ تَعَلُّمُهَا » Et il est obligatoire pour l'ignorant de l'apprendre. Il est obligatoire pour l'ignorant d'apprendre surat al-Fatiha. Celui qui commence à prier, il est obligatoire de lui enseigner, il est obligatoire pour lui d'apprendre surat al-Fatiha. « فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَعَ الْقُدْرَةِ » لَمْ تَصِحْ صَلَاتُهُ. S'il ne le fait pas alors qu'il en a les capacités, sa prière n'est pas valide. Pourquoi elle n'est pas valide? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre, surat al-Fatiha. Donc s'il a les capacités de l'apprendre et qu'il ne le fait pas, sa prière n'est pas valide car il a délaissé une chose dont il a les capacités. Donc il est impératif pour le débutant ou le nouveau musulman qui commence à prier de s'empresser de mémoriser surat al-Fatiha. Ensuite, il nous dit, nous décrivons ce que doit faire celui qui ne la connaît pas. وَمَنْ لَا يُحْسِنُ شَيْئًا مِنْهَا وَلَا مِنْ غَيْرِهَا مِنَ الْقُرْآنِ لَزِمَهُ أَنْ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَا إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. Celui qui ne connaît rien de surat al-Fatiha, aucun verset, ni d'autre qu'elle parmi les surat du Coran, alors il est obligatoire pour lui de dire à la place Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La preuve à ce sujet, il nous dit, liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, in kana ma'aka Qur'an faqra wa illa fahmadillah wa hallilhu wa kabbirhu thumma rka'. Si tu connais une partie du Qur'an, alors récite. Sinon, loue Allah, proclame son unicité, proclame sa grandeur, puis incline-toi. Donc celui qui ne connaît pas le Coran, celui qui débute, ses premières prières qu'il va faire le premier jour par exemple, le temps de mémoriser surat al-Fatiha. Il dira ces paroles à la place qu'il peut. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Il dit cela à la place de la récitation, simplement le temps d'apprendre surat al-Fatiha. Et il s'empresse de l'apprendre, car surat al-Fatiha est un des piliers de la prière. Et de la même manière que l'on se doit de s'empresser de l'apprendre, on se doit également de veiller à corriger sa récitation. Et wallah, il est très triste de voir certains parmi nos frères et sœurs qui, après des années dans l'islam ou des années sur la voie de la droiture, ne savent pas encore réciter correctement Sourate al-Fatiha ou Allah al-Musta'an, alors que celle-ci fait partie des piliers de la prière, que c'est la sourate la plus immense du Coran et qu'il est simple et rapide de se faire corriger sa récitation auprès de nombreux musulmans. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on lira dans les prochains cours la suite des paroles de l'auteur concernant la récitation après cette sourate. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.